Alors, de nouveau, nous eûmes le sentiment de notre impuissance. Nous nous étions cru sauvés et nous appartenions toujours à la rivière. Même, je regrettais que les femmes ne fussent plus sur le toit, car à chaque minute, je les voyais précipitées, entraînées dans l'eau furieuse. Mais, quand je parlais de regagner notre refuge, tous crièrent « Non, nous essayons encore, plutôt mourir ici !» Gaspard ne riait plus. Nous renouvelions nos efforts, pesant sur les perches avec le redoublement d'énergie. Pierre eut enfin l'idée de remonter la pente des tuiles et de nous tirer vers la gauche à l'aide d'une corde. Il put ainsi nous mener en dehors du courant. Puis, quand il eut de nouveau sauté sur le radeau, quelques coups de perche nous permirent de gagner le large. Mais Gaspard se rappela la promesse qu'il m'avait faite d'aller recueillir notre pauvre aimé dont l'hurlement plaintif ne cessait pas. Pour cela, il fallait traverser la rue où régnait ce terrible courant contre lequel nous venions de lutter. Il me consulta du regard. J'étais bouleversé. Jamais un pareil combat ne s'était livré en moi. Nous allions exposer 8 existences. Et pourtant, si j'y étais un instant, je n'eus pas la force de résister à l'appel lugubre. « Oui, oui, » dis-je à Gaspard, « c'est impossible. Nous ne pouvons nous en aller sans elle. » Il baissa la tête sans une parole et se mit, avec sa perche, à se servir de tous les murs restés debout. Nous longions la maison voisine, nous passions par-dessus nos étables. Mais, dès que nous débouchâmes dans la rue, un cri nous échappa. Le courant, qui nous avait ressaisis, nous emportait de nouveau, nous ramenait contre notre maison. Ce fut un vertige de quelques secondes. Nous étions roulés comme une feuille, si rapidement que notre cri s'acheva dans le choc épouvantable du radeau sur les tuiles. Il y eut un déchirement, les planches déclouées tourbillonnèrent, nous fûmes tous précipités. J'ignore ce qui se passa alors. Je me souviens qu'en tombant, je vis Tante Agathe à plat sur l'eau, soutenue par ses jupes, et elle s'enfonçait, la tête en arrière, sans se débattre.